በራ ቱረኔ ቱረኔ ሳብሪ በርሴ ቶኖ በርሲር ሚፋ ቫለሴ አቬክ ላኑዊ plus compter le temps ne plus savoir ce qui m'attend me croire en un rêve perdu transporté dans l'inconnu blottir dans l'ombre de ton cœur mon cœur et mon désir cueillir dans l'ombre le bonheur d'un jour prêt à fleurir sentir ton cœur tourbelé contre mon cœur abandonné frémir comme un oiseau brisé au vertige d'un baiser C'est dans l'ombre entre tes bras tourner tourner sans bruit bercer ton ombre sur mes pas valser avec la nuit.